Bonsoir. Alors, ben, je vous invite à vous rapprocher parce que là, il y a un groupe génial qui va démarrer. Et que c'est dommage de les laisser tout seuls, quoi. Donc, je me disais, voilà, c'est quand même le grand Niboma qui arrive. Et je ne saurais vous conseiller mieux, quoi. Il a joué avec Pépé Calé, il a joué avec Kofi Olomide, il a monté plein de groupes au Congo, il a fait des multiples hits dans les années 70 et 80, et il a un groupe absolument formidable. Donc voilà, le groupe de Niboma, et je pense que vous allez pouvoir danser solidement ce soir. Bonsoir. Lina. Lina na linaka. Kene na lembi. Kopane la bandeko. Lina. Osi likina na iste mama. Olongo lima foto na yo. Nakoranga, ikamo ya ngombe ye banana. Nakolo mela yo mba ye mbara. Mato ye koli kaka motote. Iti sape mote mara. Neko ya mwasi. Malo mbama ywe kati ngay mote ma. Ye malo kumuna ngay nyanso. Lina, osi likina na ise mama. Olongo lima foto na yo na nakonanga. Ikamo ya ngombe ye banana. Nakolo bela yo kwa ye banana. Kakamotote Kiti sape mote marande Kwaya mwasi Maloba maywe kati ngay mote ma Ye maro kumuna ngay nyonso Se oyo bobe misi Lina Lina na linga kara Kende na lembi Kopo de la bande ko na bombe.